pendre tellement elle était déprimante. Ah oui, c'est ça, oui, non, c'était avec horrible. Un générique de début en dessin animé. Avec un truc, Jean-Michel Jarre, à 6 ans, on lui avait offert un orgue bon tant pis et il s'est laissé aller, ça faisait la musique. C'est horrible. Mais c'était une série documentaire très très chouette, hélas invisible de nos jours, si ce n'est qu'on peut la louer en VHS à la médiathèque. Refermons la parenthèse. Donc des images époustouflantes, même si parfois un peu déjà vues. Cependant, les nombreuses scènes de traque et de chasse nous rappellent que la nature, ce n'est vraiment pas de jolies cartes postales très esthétiques. C'est aussi quelque chose de très dur et de très cruel. Si vous comptez emmener des petits enfants au documentaire, il faudra bien prendre plein de précautions, parce que il y a des scènes qui sont à la limite d'être traumatisantes. Quand on voit des petits animaux se faire courser par des guépards ou des loups et puis se faire croquer à la fin, c'est pas toujours très amusant. C'est le cas, c'est vraiment peu de le dire. Et c'est encore moins amusant pour les petits animaux. Oui, hein. Oui. Mais c'est une façon assez intelligente de présenter les choses. Même si, assez bizarrement, je ne saurais pas dire si c'est à travers ou si c'est d'une grande qualité, chacun jugera, toutes ces scènes de violence très dures sont présentées de manière très esthétique, très esthétisée, à base de ralentis, presque à la Matrix, à un moment on voit une espèce de requin blanc immense. Ils font du bullet time sur les animaux. Pas à ce point-là, mais il y a des séquences de ralentis qui sont vraiment très impressionnantes, notamment, comme je disais, un requin blanc immense qu'on imagine bien peser je sais pas combien de tonnes, qui sort entièrement de l'eau pour attraper des phoques ou des otaries, et c'est au ralenti à mort, la caméra tourne autour de lui, on le voit deux ou trois, voire même bien quatre fois, c'est très impressionnant, et il y a vraiment un jeu, une recherche esthétique presque dans toutes ces scènes de violence et de mise à mort. Sur les ralentis, Bruno, je me permets de glisser un petit mot pendant que tu reprends ton souffle. Oui, on va quand même pousser un petit cocorico wallon, parce que les systèmes qui ont servi à fabriquer les ralentis sont fournis par EVS. Oh là là. Ah bah écoute, faut le savoir. C'était la seconde geek. Et donc, à propos d'esthétisation et de tout l'aspect mise en scène, la musique qui est très hollywoodienne et qui, comme pour la musique de Deep Blue, a été composée par George Fenton, un vieux briscard anglais habitué aux productions on ne peut plus classiques. Cette musique très hollywoodienne, très emphatique, elle remet une couche dans ce côté spectaculaire. C'est parfois exagéré, mais en même temps, ça nous montre à quel point cette réalité de la nature, elle est tout aussi efficace que le thriller américain le plus complexe et le plus élaboré machiavéliquement par des scénaristes en batterie. Il y a parfois vraiment de vraies séquences de suspense. Alors on peut se dire que cette fictionnalisation dans un documentaire, elle est un peu parfois too much, elle a le côté vraiment suspense, insoutenable. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Va-t-il se faire coquer ou pas? Et puis hop, il se trébuche, mais non, il se relève. C'est vraiment parfois peut-être un peu too much. Mais au moins, le documentaire donc Earth ne tombe pas dans le travers de ceux qu'on peut souvent voir à la télévision, du genre La famille de lions avec une voix off de Pierre Arditi, où chaque petit lionceau porte un nom, Simba, Timba, et là vraiment on est dans l'anthropomorphisme en plein. Ce n'est pas le cas ici, heureusement. Et puis justement, le côté traumatisant de la violence nous rappelle, et je le répète, que voilà, la nature, c'est pas forcément comme tout qu'on nous la montre tous les week-ends dans le jardin extraordinaire. La nature, c'est pas les vacances. Voilà, c'est dur, c'est violent, et c'est manger ou être mangé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Enfin, c'est un peu des banalités ce que je dis, mais c'est vrai, dans le fond. On est tout triste de voir le petit faible ou le petit jeune se faire boulotter, mais si lui ne se fait pas boulotter, c'est le prédateur qui mangera pas. Oui. Donc voilà, c'est tout un système, et c'est très très loin des petites peluches pour lesquelles on peut s'émouvoir. Ah ça, il est bien loin, Nemo. Une des grandes qualités du film, en tout cas une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il est très pédagogique, très didactique, beaucoup plus que son prédécesseur Deep Blue. Il y a beaucoup plus de commentaires. certains trouveront que c'est une qualité. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça dessert un petit peu le film, ça le rend beaucoup plus classique, peut-être même trop, et on est moins dans un côté un peu sensoriel ou le côté trip où chacun apprécie les choses comme il le veut. Là, on est vraiment plus dans un discours construit d'explications. Avec ce petit coup de gueule de ma part, c'est que les gens qui se sont occupés de la version française et de toute la communication autour du film s'y sont pris comme des manches. Déjà le titre. Alors, le titre en anglais, c'est Earth. Terre. La Terre. C'est pas Planet Earth. Non, Planet Earth, c'est le nom de la série. Le nom du film qui en est tiré, c'est Earth. Et en français, c'est Un jour sur Terre. Mais pourquoi un jour ? Le film se déroule sur un an, donc. Oui, sur les quatre saisons. Et donc, ça n'a aucun sens. C'est juste pour faire joli. Alors parfois, les traductions françaises... Non. Moi, je dis que Terre en français, ça va très bien aussi. Oui, hein, Terre, c'était bien. Peut-être qu'un film porte déjà ce titre-là, qu'il ne pouvait pas le choisir. Mais bon, bref, Un jour sur Terre, c'est quand même... Même si c'est pas dramatique, c'est quand même déjà indicateur de la fidélité à laquelle les adaptateurs français se sont attachés, à tel point que par exemple la voix off est assurée en version originale par Monsieur Patrick Stewart. Oh. Donc si vous ne le connaissez pas, Patrick Jean-Pierre Stewart, Picard. C'est Jean-Pierre Picard dans Star Trek Next Generation, et puis c'est le professeur Xavier dans les X-Men, donc oui. Un gars qui fait sérieux, qui fait professoral. Avec sa voix bien posée, bien grave, quand il parle, on l'écoute et on sait qu'il ne raconte pas des blagues. Même si ça rigole pas forcément. C'est vrai. Alors qu'en VF, la voix est assurée par la chanteuse de variété Anne Goon. Et là, on se dit, mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pendant les trois quarts du film, on se dit, mais pourquoi c'est Monica Bellucci qui fait la voix de ce film ? Oui. Et en fait, non, pas du tout. Pourtant, Monica Bellucci, elle est d'origine italienne. Anne Goon, elle est plutôt d'origine... vietnamienne, je pense, non ? Sud-est asiatique, oui. Pas vietnamienne, mais malaisienne ou quelque chose comme ça. Elle pousse la chansonnette sur le générique de fin, mais ça colle pas des masses. En tout cas, ça joue clairement la carte de l'émotif, de pousser le petit rire, avoir l'air attendri sur les petits animaux qui prennent leur envol. Oh là là, c'est la première fois. Donc, c'est amusant, mais ça trahit littéralement tout le propos du film, qui est justement de nous dire et de nous rappeler en permanence que la nature, il y a des choses magnifiques, précieuses et fragiles, mais que c'est dur aussi. Donc voilà, petit bémol, mais qui ne doit surtout pas vous gâcher le plaisir de voir ce film. Surtout que si le propos est plus pédagogique et didactique, c'est que c'est dans un sens, même si ça dessert un petit peu la réussite cinématographique, au sens cinématographique strict du terme, ça dessert peut-être un peu le film, mais du point de vue du propos, ça a un sens, c'est que la morale de l'histoire, et on nous le dit très clairement à la fin du film, c'est que toutes les scènes auxquelles on a assisté, tous les animaux qu'on voit, tous les écosystèmes et tous les biotopes qu'on voit, ils sont fragiles, ils sont en voie d'extinction, en voie de disparition, et peut-être, et c'est le réalisateur qui le dit, peut-être que dans quelques années, ils disparaîtront à jamais. Ben oui. Donc, forcément, le propos de sauver les animaux, sauver la planète, essayer de se bouger, de se conscientiser, il est là. Il y a vraiment un côté, comme je disais, beaucoup plus didactique et presque militant. Et ça me fait penser que toute cette profusion de documentaires qui se bouculent sur les grands écrans depuis quelques années, dont je vous ai parlé, comme par exemple Genesis, La Planète Bleue, ou le magnifique documentaire français qui, lui, se concentrait plutôt sur le pôle Nord qui s'intitulait La Planète Blanche, toute cette profusion de documentaires sur la nature, disais-je, elle est un peu flippante. Comme s'il y avait une prise de conscience que tout ça allait disparaître à jamais et qu'il y avait une espèce de frénésie de sauver le plus d'images possible pour avoir un souvenir quand on vivra sur des terres arides et polluées un peu partout sur la planète et chaudes aussi. Donc il y a vraiment. On te sent optimiste là. Oui, mais il y a un côté. Finalement, quand on met tout ça en perspective, il y a un côté un peu avant l'apocalypse qui n'est pas très rassurant. Donc, pour conclure, je dirais que c'est vraiment un film magnifique, à mon sens pas aussi réussi que Deep Blue, mais néanmoins avec des images pour beaucoup qui sont du jamais vu, des scènes très très impressionnantes, des décors naturels vraiment magnifiques. Tout petit bémol final, mais là une fois de plus c'est sur l'aspect communication du film. Si vous allez sur le site qui est renseigné à la fin du film, qui est site où il y a des making-of, des bandes annonces et puis des articles plus de fond sur la nature, en page d'accueil on a droit comme sponsor à Ford, qui n'est quand même pas le plus grand bienfaiteur de l'humanité. C'est pas faux. Donc voilà, comme quoi même les démarches les plus nobles sont parfois entachées de la complexité de notre merveilleux monde de consommation. Mais que ça ne vous prive pas d'aller voir ce film sur grand écran, n'attendez pas la sortie DVD. Si c'est le genre d'image que vous aimez voir, ça vaut vraiment la peine d'être vécu sur grand écran.